loin de ce que nous aimons. Comme le poisson accroché à son hameçon, nous sommes au bout des cannes à pêche, au bout des perches que le vent emballoté au gré du vent, consentant ou mécontent. Déposé loin des maisons jusqu'au parc.